Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et vous écoutez Futur Simple, Valérie Levé au microphone. Et si vous vous souvenez, on a parlé il y a quelques semaines de biométhanisation et de la valorisation des matières organiques, celles que nous produisons à la maison ou éventuellement au travail. Mais il y a une source de matières organiques qu'on a oubliée, celle produite à bord des navires. Et pourtant, il faut bien s'en préoccuper. Et c'est ce que fait justement le Technopôle maritime du Québec en partenariat avec le département de génie chimique de l'Université Laval. Et pour en savoir plus, eh bien, je suis en compagnie de Céline Vanikauté, professeure au département de génie chimique de l'Université Laval et directrice de l'équipe de recherche BioEngine sur l'ingénierie des procédés verts et des bioraffineries. Bonjour Céline, bon retour à Futur Simple. Et nous sommes aussi en compagnie de Margot Gourdal, qui est coordonnatrice de l'initiative Merlin au Technopôle maritime de Québec. Elle est au téléphone depuis le Technopôle à Rimouski. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, on va commencer par le début un petit peu pour savoir ce que c'est que le Technopôle et qui est à, donc le Technopôle maritime de Québec, parce qu'à Québec, on ne le connaît pas vraiment. Donc, je vais vous demander, Margot, de bien vouloir présenter ce que c'est que ce Technopôle et qu'est-ce qu'on y fait. Donc, le Technopôle maritime du Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille à la promotion et au développement des secteurs maritimes innovants au Québec. Moi, je m'occupe spécifiquement de la portion Merlin. Donc, oui. C'est un réseau dédié à l'innovation plutôt dans le secteur du transport maritime et du milieu portuaire. Et notre rôle principal, en fait, c'est de soutenir la mise en place de projets de recherche innovants alignés sur les besoins de l'industrie maritime. Mm-hmm. D'accord. Alors, rentrons donc dans le vif du sujet avec ces déchets organiques sur les navires, parce que ça ne nous parle peut-être pas vraiment. Donc, on parle de quels navires ? Est-ce qu'on parle de navires de plaisance privée, de bateaux de croisière avec beaucoup de monde, des milliers de personnes à bord ? Est-ce qu'on parle de porte-conteneurs, Céline, peut-être ? De quels navires on parle ? Bien, en fait, on parle ici de tous ces types de navires. En fait, on a fait une étude sur les navires domestiques ici au Québec, mais aussi en fait des navires, des croisières, en fait, qui produisent eux des grandes quantités de matières organiques. On n'y pense pas, mais c'est toute une ville, donc il y a vraiment beaucoup de matières organiques sur ces navires. Margot, est-ce que vous auriez quelque chose à préciser sur les problématiques posées par ces matières organiques produites à bord de ces navires? Non, c'est ça, c'est comme Céline, ça concerne vraiment tous les types de navires, puisque comme à la maison, en fait, à bord des navires aussi, on mange, donc ça va créer des déchets de table, ouais. Par exemple, donc de la matière organique qu'il faut revaloriser. Est-ce qu'on parle également, donc les déchets de table, est-ce qu'on parle également des eaux usées? Parce qu'il y a des matières organiques dans les eaux usées, donc est-ce qu'on parle aussi des eaux usées sur ces navires? Qui répond? Céline. En fait, c'est deux études différentes. Là, d'accord. Si on parle des matières organiques, on parle plus des déchets alimentaires, des boues aussi. Mais les eaux usées, donc c'est une autre problématique. D'accord. En fait. Donc dans cette étude-là, on a vraiment concentré sur les déchets organiques, mais on a une étude qui s'en vient qui va plus se concentrer sur les eaux usées au bord des navires. D'accord. Parce que les gens au bord des navires, ben ils produisent un peu de tout. Là. C'est comme oui. Un petit mini village. C'est là, ça, donc, exactement. Ouais. Ben pour qu'on se représente un petit peu mieux, en fait, est-ce que ça représente beaucoup de matière organique? Ou est-ce que finalement c'est... En fait, c'est assez difficile pour avoir des chiffres spécifiques là-dessus. On dit, c'est qu'en moyenne que une personne par jour, il produit 3 litres de matière organique. Mais là, c'est, par la suite, c'est à voir combien de journées prend le voyage, combien de personnes sont à bord du navire. Mais je pourrais dire que donc une croisière, en moyenne, ça produit à peu près 12 000 litres de déchets mm-hmm. par navire par semaine pour un équipage de 3 000 personnes à peu près. Mm-hmm. Donc, c'est très significatif. Oui, ouais. Ouais, ouais. Donc, je vais me tourner peut-être vers Margot. Quelle est la pratique actuellement? Qu'est-ce qu'on en fait de ces matières organiques qui sont produites sur les navires? En fait, ça dépend vraiment pour l'instant de quelle ligne directrice est mise en place au sein des compagnies, des flottes d'armateurs, par exemple. On sait qu'il y a une loi qui vise d'ici quelques années à éliminer le bannissement et l'incinération et l'enfouissement de la matière organique, même incluant celle qui est produite à bord des navires, mais pour l'instant, c'est pas encore en vigueur. Mm-hmm. Donc, il y a quand même certains navires qui sont proactifs et qui commencent déjà une collecte sélective à bord. Et donc c'est pas encore tous les armateurs, mais ça se fait. Et cette matière organique va pouvoir être collectée ensuite quand le navire arrive à quai et prise en charge par des entreprises qui vont se charger d'aller mettre cette matière organique dans les sites de compostage, par exemple. Mais jusqu'à présent, parce que là, il n'y a pas encore, justement, la loi n'est pas encore en vigueur. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe, en fait? Les navires arrivent au port et là, on débarque cette matière organique et on la laisse sur le quai du port. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est certain qu'elle n'est pas laissée sur le quai du port. Non, je dis ça pour rire. Heureusement. Vu les odeurs que ouais. ça pourrait dégager, je vais laisser Céline peut-être compléter, mais c'est certain que pour l'instant, elle n'est pas laissée sur le quai, mais elle n'est pas toujours revalorisée. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va, c'est sûr. Oui, donc en effet, je peux peut-être compléter là. Donc actuellement, il y a des navires quand même qui font déjà le compostage. La collecte se fait au bord du navire. Une fois arrivé au port, tu sais, il y a une entreprise spécifique qui okay. va comme changer de bac, en fait. Un transbordement. C'est ça, une manipulation pour vider les bacs dans le fond, puis les bacs vidés retournent sur les navires. Puis là, par la suite, avec les déchets qu'on a collectionnés au port, on travaille en fait actuellement avec une tierce partie qui va venir chercher les déchets pour composter par la suite. Oui, mais ça, c'est dans les meilleurs c'est cas. C'est ça, mais jusqu'à donc, présent, ça se jusqu'à faisait jusqu'à pas. Présent, donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a quelques navires, c'est pour ça que je le dis, qui le font déjà. On a quand même... Okay. commence à implanter des bonnes pratiques au Québec, mais jusqu'à présent, donc tu sais, il y a quand même beaucoup d'élimination ou d'incinération d'enfouissement ou d'incinération de ces matières-là. Justement, la réglementation dont Margot elle parle va comme bannir ces opérations-là. Okay. Donc il faut comme changer jusqu'à les pratiques. Présent, ce que ça fait, c'est que ça suit le trajet habituel de n'importe quelle matière organique qu'on produit dans les villes. Ça rejoint le réseau, finalement, En effet. Puis ça, penser que si on pense à des croisières, là, ça cause des gros problématiques parce qu'un navire de croisière, quand il arrive au port de Québec, ben là, il décharge leur matière. C'est des grandes quantités. Puis actuellement, tout ça, ça va aussi d'enfouissement ça va être incinéré. Effectivement, quand on voit tous les navires de croisière qui arrivent à l'automne, on peut penser qu'il y a leurs tonnes de matière organiques qui sont débarqués en même temps. Oui, en effet. Ouais. Donc, est-ce qu'à part le fait que ça passe, que ça apporte beaucoup de matière organique à gérer par la ville, est-ce que ça pose d'autres problèmes à bord du navire, par exemple? Ben, actuellement, à bord du navire, donc, comme j'ai dit, dans le meilleur cas, on fait déjà la collecte. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé, en fait, dans l'étude, entre autres, c'est si on peut pas, comme, installer vraiment une unité de compostage à bord du navire. Ouais. Donc, il existe actuellement, des types, même au Canada, on en a plusieurs fournisseurs, là. Puis, il existe vraiment des types de bacs de compostage pour, justement, ces opérations-là. Donc, des mini-bacs de compostage qui pourraient être installés à bord du navire, qui, eux, sont aérer, donc ça évite aussi des odeurs. Puis là, une fois arrivé au port, on peut avoir déjà une certaine dégradation de la matière qui est déjà donc compostée, disons. Mm-hmm. Donc on peut démarrer le processus à bord d'un navire. C'est une des solutions qu'on voyait là pour les pratiques à bord du navire. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que soit ils amènent leur matière qui n'est pas dégradée ni rien, puis c'est pris en charge par la municipalité, soit ils ont déjà à bord d'un système de compostage un petit peu pour initier le processus. C'est une option. Une autre option, donc là on parle surtout de compostage, là, mais une autre option c'est la biométhanisation. Ouais. Donc dans des émissions précédentes j'en ai parlé un peu, mais on pourrait comme utiliser ces déchets pour par exemple une usine de biométhanisation au port. Puis là, donc biométhanisation, ça veut dire on entre des déchets organiques, une fois qu'ils on sortit du port, du navire, on entre les déchets organiques dans une usine, c'est un réacteur fermé. Et donc là, c'est une dégradation anaérobique, donc sans oxygène. Et on produit ainsi le biogaz, qui est donc majoritairement du méthane, donc qu'on peut utiliser comme gaz naturel, par exemple. Et ce qui reste, c'est le digestat, qui est aussi, lui, un engrais, en fait. Ouais. Mm-hmm. Et donc, ainsi, en fait, le port, il pourrait utiliser le gaz ou même produire l'électricité, la chaleur qui peut être utilisée au port. Ouais, donc ça peut quand même être intéressant. Ouais. Mais ça veut dire quand même des infrastructures dans les différents ports où arrive un nombre significatif de navires. Ça demande de les mettre en place ou ces infrastructures? Oui, mais c'est en effet quelque chose qu'on regarde actuellement. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir l'usine soit biométhanisation, soit compostage au port, sur le navire, ou est-ce que c'est plus intéressant que de le faire centraliser? Donc, vraiment d'envoyer les déchets vers une usine qui existe déjà. Par exemple, à Montréal, il y en a plusieurs qui sont en construction. Si la distance n'est pas trop loin, ben, peut-être ça peut être intéressant aussi d'aller transporter les déchets là-bas, en fait. Donc, ça dépend un peu de cas par cas. Mais nous, on développe justement des outils d'aide à la décision qui incluent tous les réseaux de transport, en fait. Et avec ça, on peut comme simuler c'est quoi le scénario le plus optimal pour réduire les coûts et les gaz à effet de serre en même temps. Donc, Mais est-ce que ça va demander aux navires de s'adapter aux différentes infrastructures qui vont être différentes d'un port à l'autre? Je ne sais pas, peut-être que Margot peut nous parler, si vous connaissez vous qui travaillez avec les industriels, peut-être, je ne sais pas, peut-être avec les croisiéristes, je ne sais pas. Est-ce qu'à ce moment-là, chacun des croisiéristes ou des navires va devoir s'adapter, acquérir une infrastructure propre sur son bateau pour répondre aux infrastructures qui vont être dans les ports à chaque fois qu'il va se présenter dans un port? Ben, c'est certain que déjà pour les navires domestiques, avant peut-être de parler des gros croisiéristes de plusieurs milliers de personnes, mais pour les navires domestiques, ce qui est important, c'est vraiment de s'en aller vers une uniformisation des contenants qui vont collecter la matière organique qui est produite à bord. Quand on commence par cette étape-là, déjà ça facilitera beaucoup l'épisode de réception de cette matière organique dans les différents ports, puisque ces navires-là sont mobiles. Donc si on met des facilités de réception dans chacun des ports qui sont identiques et qui sont compatibles, ça va pouvoir aider de beaucoup à augmenter aussi les quantités de matière organique qui sont récoltées et donc augmenter également la rentabilité de cette activité. Ensuite, pour les navires, par exemple, de croisière, avec plusieurs milliers de personnes, ça, c'est une autre problématique avec laquelle j'ai pas vraiment de contact. Peut-être Céline pour en parler, mais c'est vraiment des gros navires et il y a aussi des déchets qui sont considérés comme des déchets internationaux, donc ça rentre dans une autre catégorie. Effectivement, vous n'avez pas pensé à cela. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a un risque de contamination parce que il pourrait y avoir des espèces invasives mêlées dans ces déchets? Je sais pas. Oui, mais là, c'est tout à fait une autre politique, là. Puis, c'est l'Agence d'inspection des aliments au Canada qui s'en occupe aussi. Donc, en fait, ces déchets-là, on doit les enfouir et on doit les incinérer. Donc, la politique, en fait, des matières organiques qu'on aura au Québec, ça s'applique pas actuellement aux déchets internationaux. Par contre, avec cette étude-là qu'on a faite, donc on a vu quand même un grand potentiel parce que, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est quand même de capter les gaz de dégradation. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on utilise ces déchets dans une usine de biométhanisation, pas mélangé, par exemple, avec les déchets locaux, ben là, on peut quand même capter les gaz, donc le méthane, l'utiliser, comme source d'énergie, et les digestats, dans le pire cas, on peut enfouir ou incinérer cette matière-là. Parce que c'est là où les contaminants potentiels vont se trouver, mais pas dans le gaz. Donc, c'est ça qu'on veut regarder maintenant avec le gouvernement, justement, pour approuver ces pratiques-là, qui est quand même une piste intéressante. On ne serait pas obligé d'avoir deux installations distinctes, une pour les déchets internationaux, puis une autre pour les déchets domestiques, pour la biométhanisation, là, pour les mettre tous ensemble, sachant que le gaz partirait. Mais sauf que si c'est un déchet, que le biogaz, il n'est pas contaminé dans le biogaz. Mais par contre, le digestat, lui, quand il vient des déchets internationaux, on le met côté et on l'envoie à l'enfouissement ou on le brûle. À mon avis, ça va être plus compliqué de faire approuver le digestat dans le secteur agricole quand il vient des déchets internationaux. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la meilleure option actuellement avec les réglementations, c'est de vraiment faire deux unités séparées. On fait quand même deux unités séparées. Donc déchets internationaux, déchets locaux, parce que les déchets locaux, c'est les digestats qui sortent, on peut les valoriser dans le secteur agricole ici au Québec. Je pense qu'avec les déchets internationaux, actuellement, dans la situation où on est, on ne peut même pas croiser la frontière avec une pomme. Là, donc, je pense que ça va être un peu plus compliqué de faire approuver ça. Mais au moins, on peut capter les gaz, en effet. Puis, si on ne mélange pas les deux ensemble, on va avoir deux réacteurs qui sont plus petits. Puis, au lieu d'un gros réacteur, donc c'est ça. Mais si on enlève donc ces déchets, parce que moi j'ai l'impression que finalement la plus grande partie de ces déchets organiques, ça vient des bateaux de croisière parce qu'il y a plein de monde, ça grouille de monde là-dessus. Et je me dis, sur les navires commerciaux, il y a quand même moins de monde, c'est pas une ville. Est-ce qu'il y a suffisamment de matières organiques produites sur ces navires commerciaux pour que ça vaille le coup de faire toutes ces installations? Oui, ben c'est ça que justement l'étude économique plus poussée qu'on regarde là, parce qu'en effet les déchets au Québec, c'est qu'on produit ici avec les navires locaux, c'est plus faible, mais ça veut pas dire qu'on doit pas les traiter. Donc ils doivent être traités et valorisés, en fait, si on parle de traiter ici, c'est valorisé. Donc dans la nouvelle politique, c'est soit la biométhanisation, soit le compostage qui est stimulé, en fait, et le gouvernement donne même des subventions pour ces deux pratiques. Donc dans ce cas-là, ça peut être quand même, c'est dépendant de le type de d'usine qu'on choisit, là, ça peut quand même devenir rentable, à mon avis. Est-ce qu'on va viser les navires, quelle que soit leur taille, parce qu'il y a des petits navires qui génèrent peut-être moins de déchets, donc est-ce que ça va... Même, par exemple, je ne sais pas, les navires privés, les bateaux de plaisance privés, est-ce qu'ils sont concernés? Margot, peut-être? Ma compréhension de ce programme-là de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, qui est une mesure prise dans le cadre de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, ma compréhension, là, c'est qu'elle vise toute la matière organique qui est, dans le fond, générée. Donc, je pense que, oui, même au même titre que dans les habitations, on va devoir finir par composter la matière organique qu'on produit. Il me semble que ces navires-là vont devoir aussi le faire. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi, Céline. Oui, en effet, puis malheureusement, actuellement, il y a beaucoup de déchets qui sont en fait déchargés encore dans la mer, dans le fleuve. Donc il y a des choses qu'il faut faire. Puis c'est pour ça ici, on a l'opportunité de parler aussi aux gens avec l'été s'en vient avec les bateaux de plaisir, de les conscientiser que c'est une problématique. Puis c'est garder vos déchets, puis mettez-les quand vous sortez du bateau, mettez-les dans les poubelles et c'est recyclé comme il faut, là, je dis. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour les marinas? Question piège. La même problématique s'applique là. Tu sais, il faut qu'ils traitent leurs déchets. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut regarder. T'sais, nous, ce qu'on veut regarder vraiment, c'est qu'on est en train de faire, c'est d'identifier les sources des déchets, c'est les quantités, comme on en parle là. C'est sûr qu'il y a des potentiels. Donc, si on inclut toutes les ports, les marinas, les bateaux qui arrivent, il y a du potentiel. C'est juste c'est chercher, comme j'ai dit tantôt, c'est quoi. C'est mieux faire compostage, biométhanisation, c'est mieux faire au port, sur les navires ou centralisé. Et ça va dépendre des grandeurs aussi des ports, des nombre de bateaux qui arrivent. Donc, c'est à Rimouski, ça va être différent qu'à Québec, ça va être différent qu'à Montréal. Donc, c'est pour ça justement que les outils d'aide à la décision, ça va être vraiment intéressant de voir comment on peut les valoriser. Pour rentabiliser en fait. Mais c'est sûr que. Notre étude a démontré qu'il y a du potentiel, puis qu'il faut faire quelque chose parce qu'on doit le valoriser, donc on n'a pas le choix en quelque sorte. Ouais. Et alors, quels vont être les bénéfices pour le Québec? Est-ce que donc parce que c'est les matières, les digestants vont pouvoir en sortir de la matière pour les amendements agricoles, par exemple. Donc, est-ce que il faut tenir compte du coût finalement de ce qu'on évite, ça va nous éviter d'acheter des engrais des fois qui sont issus d'ailleurs des combustibles fossiles parfois. Donc est-ce qu'il y a un avantage économique à faire cette opération là? C'est une bonne question. Donc évidemment on veut qu'il y ait un avantage économique, mais oui, en effet il peut en avoir. Donc on a d'abord en fait les avantages qu'on peut avoir, c'est dans le cadre de la politique, c'est la nouvelle réglementation. Comme je dis, on réduit déjà les gaz à effet de serre et c'est ça le but. Je sais que je parle pas d'économie là, mais ça s'en vient. Non, mais ça en a un avantage aussi. Ça s'en vient. Non, on réduit les gaz à effet de serre et ça, c'est l'objectif principal du gouvernement de Québec. Donc, il faut réduire les gaz à effet de serre. Puis, au Québec, donc, la stratégie qui a été mise en place, c'est le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, justement, pour atteindre leur cible dans le plan d'action des changements climatiques. Donc, c'est vraiment, ça se cadre dans tout ça. Et donc, on réduit les gaz à effet de serre. Donc, pour l'environnement, on fait quelque chose de bien. Pour l'économie, on produit, par exemple, si on fait la biométhanisation, ça peut fournir l'énergie pour le port, donc l'électricité, chaleur, donc qui est utilisée au port. Ouais. Puis en même temps, c'est le port. Si on le fait par exemple, disons au port, le port pourrait vendre les digestats aux agriculteurs, okay. parce que c'est quand même, c'est devenu un produit qui est quand même de plus en plus accepté. Puis on peut avoir une revenu pour ce produit-là, parce que comme tu l'as bien dit là, que on peut remplacer en fait les engrais, par exemple les engrais chimiques avec ça. Puis les engrais chimiques actuellement, souvent on va les importer. Ouais. Et de loin, là, par exemple, de Maroc. Donc, là aussi, au niveau des coûts, gaz à effet de serre, donc ça peut devenir intéressant ouais, là, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, le navire qui va décharger ses matières, est-ce qu'elle va payer quelque chose? Parce qu'en fait, du coup, elle n'a plus à s'occuper de. C'est gratuit pour elle. Enfin, en tout cas, elle n'a pas à s'occuper de traitement de ses propres déchets. Donc, est-ce qu'elle va payer quelque chose pour que la ville où elle arrive fasse ce travail-là? C'est encore une bonne question. Non, mais je veux dire, je pense que quand la politique... l'ensemble de l'opération. Je pense que peut-être quand la politique arrive, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est possible. Là. Ouais. Je ne sais pas, Margot, si tu as plus d'informations sur ce sujet-là. Non, mais j'imagine que c'est un service qui va être rendu, par exemple, au navire, cette collecte des déchets. Donc, à ce titre-là, ça pourrait être payé. Après, est-ce que ça va être mis en commun au niveau des administrations portuaires, avoir un service coordonné pour la récupération de toutes ces matières-là? Ensuite, on peut aussi voir le fait que, finalement, la vente de compost aussi peut apporter des revenus. Donc, indépendamment si le site de compostage ou de biométhanisation est créé sur le port, à la limite, à ce moment-là, ça ferait aussi une source de revenus. Donc, ça dépend vraiment de quelle stratégie va être adoptée. Oui, puis tout ça va rentrer dans l'outil d'aide à la décision, j'imagine. Oui. Donc, on travaille là-dessus. Là. Ouais. Puis alors, on a un invité surprise. Je n'avais pas été prévenue, mais je suis contente de l'accueillir. Donc, un étudiant, peux-tu te présenter? Récemment gradué en génie chimique, étudiant de Mme Vanny Gauté. Félicitations. Merci. Danick Birubé-Gilna. On a parlé de matière organique, de digestat et tout ça, mais il y a aussi les résidus des eaux usées qui sont produits sur les navires. Ça aussi, c'est une problématique à traiter parce qu'actuellement, les eaux usées sont tout simplement rejetées dans les cours d'eau, dans les océans. L'objectif un peu avec le projet que je vais travailler dessus cet été, c'est de un peu... puis faire une usine pilote, des mini-usines un peu sur les navires pour également traiter ces eaux résiduelles-là. Ça s'insère un peu avec le traitement des complémentaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. Puis en plus, avec ce qu'on est capable de récupérer des eaux usées, donc le phosphore, l'azote et tout ça, ben on peut récupérer ces nutriments-là aussi pour les revaloriser. Tu auras peut-être l'occasion de venir nous en reparler l'an prochain ou dans 2 ans quand ce sera un peu avancé dans ton projet. Avec plaisir. Voilà. Donc, je crois que c'est tout un pan des matières organiques que nous venons découvrir et je vous en remercie à tous les trois. Puis, je rappelle que vous êtes donc Céline Vanny Gauté, professeure au département de génie chimique de l'Université Laval et directrice de l'équipe de recherche BioEngine sur l'ingénierie des procédés verts et des bioraffineries. Également de Mario Gourdal, coordinatrice de l'initiative Merlin au Technopôle maritime du Québec. Alors, je vous remercie à tous les trois. Merci. Merci. Merci.